L'Association pour la promotion des relations Autriche-République populaire démocratique de Corée a présenté le 14 juillet dans son homepage d'Internet l'œuvre classique du président Kim Il-sung, canalisant toutes nos forces pour gagner la guerre avec son portrait en sourire.